il y a un recouvrement du savoir, mais en dehors des structures connues. Il y aura des contacts. Il y aura des contacts avec des êtres qui sont accompagnateurs dans le monde matériel et semi-matériel. La panique est un empêchement, un problème de gestion. La panique est un trop-plein d'informations qui, au point d'ébranler les structures internes dans l'être humain, donc il est question là d'attaque de panique, mais au sens collectif. La panique est une inhabilité à gérer un trop-plein d'informations. Ceux qui le géreront verront leur information être triée par rapport à un pragmatisme de survie. Il y aura, ce ne sera pas lié à de la mémoire. L'angoisse, les objets de l'angoisse ne parviennent pas tous à la conscience, mais il y a une vibration à de la peur qui peut être réfléchie et devenir de la crainte quand même, et ça arrivera à des niveaux très puissants qui sont déjà là. Les masses sont dirigées entre autres par de l'angoisse, on gère de l'angoisse par des objets donc qui ne sont pas perçus par la conscience, mais sont quand même implantés dans le mental des masses en tant que forme. Et le mysticisme fait partie des outils de domination. Ce qui est organisé par rapport aux religions organisées subiront des désorganisations. Un mouvement contraire, deux mouvements contraires font partie du même mouvement et sont liés aux mêmes lois. Il reste encore beaucoup de phases importantes qui reste voilé là, à moins d'arracher l'information avec beaucoup de difficultés. Ce qui est organisé est moins dangereux que ce qui est mystique. Ce qui est ni organisé ni mystique, c'est le début. C'est le début. Le passage là, de l'ère de la communion à l'ère de la communication, mais la communication interne, il y aura des structures vampiriques, mais ceux qui sont nourris de l'intérieur ne seront pas atteints. Les médias servent à créer de l'angoisse. Quand vous pensez au terrorisme, que ces choses-là occupent votre esprit, viennent en penser, c'est pour décentrer, empêcher la formation d'un centre, d'être centrique. L'angoisse est un outil de domination. Il est rattaché au niveau de ce qui est perçu par la conscience à des formes dans le mental. Mais l'objet réel de la peur qui devient de l'angoisse parce que l'objet ne parvient pas tout à fait à la conscience, ça reste voilé et ça fait partie des outils de domination. En tant qu'outil de domination qui décentre l'individu, passe en grande partie à travers les médias et il y a ensuite une répétition au niveau d'une pollution mimétique par rapport à de la parole qui n'est pas réelle. Chaque fois que vous pensez à de la souffrance en dehors de vous, de la souffrance en dehors de vous sera engendrée pour des raisons de domination. L'angoisse est un outil de domination. Mais l'angoisse est de la peur dont l'objet réel ne parvient pas à la conscience. La domination s'installe dans l'espace qui est créé entre ce qui ne parvient pas à la conscience et la forme dans le mental. Il y aura un mysticisme technologique qui est déjà commencé. C'est encore un outil de pour décentrer. C'est une évolution qui n'est pas réelle. La technologie actuelle est une superficialisation des lois d'évolution afin de décentrer. Les drogues. L'angoisse en tant qu'outil de domination créera des activités de compensation et que ça coïncide avec la légalisation des drogues qui servira d'outil de compensation au niveau d'un décentrement qui s'accentue. Le mouvement devient fixe. Le mimétisme, la pollution intersubjective. Je parle encore. L'inquiétude, c'est de l'angoisse réfléchie comme la peur. Une fois qu'elle est réfléchie, engendre de la crainte. L'inquiétude, c'est de l'angoisse réfléchie par activité de compensation au niveau d'une non-intégration par la conscience. C'est lié à des lois de transformation. L'intégration est liée à des lois de transmutation. La domination empêche l'alignement. C'est son but. Ceux qui sont dominateurs sont dominés dans le mental par des forces qui ne sont pas intégrées par la conscience et qui passent à travers eux pour dominer autrui. L'inquiétude et la peur font partie des lois de gestion qui sont agissant au niveau d'un tri entre ce qui se transforme et ce qui se transmute. Il doit y avoir un cloisonnement à ce niveau-là. L'être humain pense qu'il est dominé par des humains parce qu'il anthropomorphise la domination qui passe à travers eux. La hiérarchie sociale est une superficialisation des lois qui font qu'il y a différentes formes d'intelligence sur les plans. Le monde de la forme est un voile que l'être humain entretient lui-même par des gestionnaires qui passent à travers lui, en dehors de sa conscience. Le sentiment de solitude n'est pas réel. Le sentiment de solitude est une réflexion du cloisonnement. Toute réflexion est retardataire. C'est une activité de compensation par rapport à l'incapacité partielle d'être reconnu par d'autres consciences ou de se reconnaître dans une autre conscience. La réflexion compense la vue restreinte. Le sentiment de solitude n'est pas réel, il est retardataire. L'être humain se croit seul au sens d'une croyance, par compensation du fait qu'il est incapable de se savoir plusieurs, multidimensionnalité.